السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue l'explication de Kitab al-Tawhid par Cheikh Saleh al-Fawzan, حفظه الله تعالى. Et on est arrivé au chapitre où Cheikh l'Islam Muhammad ibn al-Wahhab رحمه الله تعالى il dit: باب ما جاء في الذبح لغير الله. Donc l'auteur qui est Cheikh l'Islam Mohamed Ben Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit chapitre sur ce qui a été rapporté au sujet du sacrifice, c'est-à-dire du sacrifice d'une bête par égorgement pour autre qu'Allah. Il dit au qawlillah ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Il cite les versets 162-163 de sourate Al-An'am dont la traduction du sens est: dit, en vérité, ma salah, c'est-à-dire ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé. Et voilà ce qu'il m'a été ordonné et je suis le premier à me soumettre. Maintenant là-dessus, on a l'explication du très savant Cheikh Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve, qui dit مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد. Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله, il dit le rapport ou le caractère opportun entre ce chapitre et le livre d'unicité, on en a déjà parlé, eh bien c'est qu'il y a dans ce chapitre une mise en évidence d'un genre parmi les genres d'association de shirk qui s'oppose à l'unicité. Et puis, comme à son habitude, il fait une explication des termes utilisés et il dit « ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah » ay min al-wa'idi wa fi bayani hukmih. Il dit « ma ja'a fi dhabhi li ghayrillah » ce qui était rapporté au sujet du sacrifice d'une bête par gorgement pour autre qu'Allah. C'est-à-dire en termes de menace et de clarification de son jugement. Ces deux termes qu'on utilise souvent dans les cours, donc le Meshir en tout cas ils utilisent souvent, c'est le « wa'd » والوعيد, la menace, ou plutôt dans l'ordre ici que j'ai dit, الوعد والوعيد, la promesse et la menace. Ici, il parle de quoi? Il parle de الوعيد, la menace. Et il dit, c'est-à-dire en termes de menace, ce qui était rapporté au sujet du sacrifice d'une bête par gorgement, دبح لغيرillah, pour autre qu'Allah, c'est-à-dire en termes de menace, ce qui était rapporté en termes de menace, et de clarification de son jugement. Nusuki dhabhi. Nusuki, c'est-à-dire mes actes de dévotion, comme ça a été traduit dans le verset ici, mon sacrifice par égorgement. Mahyaya, ma vie, c'est-à-dire ce que je fais dans ma vie. Comme il a dit le shir ici, mahyaya, ma'atihi fi hayati. Mamati, ma mort, et bien le shir il dit, mamati ma amutu alayhi min al-imani wal-amal al-salih. C'est-à-dire l'état dans lequel je meurs en termes de foi et d'action vertueuse. Et dans des cours précédents, on avait déjà vu que l'amal salih, la budda an tatawaffara fihi shurut, ou plutôt, comme les shirks disent, an tatawaffara fihi shartan, wa huma sharta qabuli l'ibadah, et c'est l'ikhlas wa l'mutaba'a, c'est-à-dire que toute action, pour qu'elle soit vertueuse, acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle doit obligatoirement réunir deux conditions, qui sont la sincérité et le suivi. Après, pour les détails, il faut peut-être faire un cours en part entière là-dessus, mais en tout cas, la sincérité, l'ikhlas, wal-mutaba'a, le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis il dit, wa bidhalika umirt, et voilà ce qui m'a été ordonné. Ay amarani rabbi bil-ikhlas fil ibadah. C'est-à-dire, ce que m'a ordonné mon Seigneur en termes de sincérité dans l'adoration. Awwalul muslimin. C'est-à-dire, je suis le premier de cette communauté à obéir. Ay awwalu man yatamathalu min hadhihi al-umma. Comme dans l'habitude, Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il rapporte le sens général du verset ici. Et il dit, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yaqula li mushrikina alladhina ya'buduna ghayra Allah wa yadhbahuna li ghayrihi inni ukhlisu lillahi salati wa dhabhi wa ma ahya wa ma amutu alayhi من الإيمان والعمل الصالح أصرف كل ذلك له وحده لا أشرك به أحدا عكس ما أنتم عليه من الشرك به. Le sens général du verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète, alayhi salatu wasalam, de dire aux associateurs qui adorent autre qu'Allah et sacrifient des bêtes par égorgement pour autre que lui, je voue ma prière, mon sacrifice, c'est-à-dire par égorgement encore une fois, et ce que je fais dans ma vie et l'état dans lequel je meurs en termes de foi et d'action vertueuse, eh bien tout cela je le voue sincèrement à Allah seul. Je lui voue tout cela à lui seul, sans lui associer quoi que ce soit, ou qui que ce soit ici, il a dit le cheikh, ahadan, contrairement à l'état dans lequel vous êtes vous en termes d'association à lui, c'est-à-dire d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant le cheikh, il dit, munasabatul ayati lilbab, c'est-à-dire le rapport entre le verset qui a été cité comme preuve et le chapitre qui a été cité dans le cadre de l'étude de l'unicité, dans les livres de l'unicité. C'est important de comprendre que, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, que le livre il est articulé sur des chapitres qui se suivent les uns les autres dans une logique que le Mashiris explique. Et ces chapitres, dans ces chapitres, il y a des preuves qui sont utilisées pour ce qui est amené en titre de chapitre. À l'exemple, comme Cheikh on avait dit, de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son sahih, comme les ulama disent, fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Hein? Et donc c'est ce que, par exemple, des mashayikh qui disent que Cheikh Mohammed al-Wahhab, dans Kitab al-Tawhid, il a suivi l'exemple de l'imam Bukhari dans son Kitab al-Tawhid. Ce sont des titres et des adillah. Et donc, le Cheikh, il dit ici, munasabatul ayati lil-bab, le rapport entre le verset et le chapitre, eh bien, c'est que le verset, comme il dit le cheikh, annaha tadullu, ay al-aya, annaha tadullu ala anna al-dhabh. Ici c'est dhabha, corrigez la, c'est pas dhabhu. Anna al-dhabha li ghayri Allah shirk. Anna al-dhabha li ghayri Allah shirk. Cheikh, il dit le rapport entre le verset, ou ces versets qu'on a cités de sourate al-An'am, et le chapitre, quel chapitre? Chapitre de ce qui a été rapporté au sujet de sacrifier par égorgement pour autre qu'Allah, eh bien, c'est que le verset indique que le sacrifice par égorgement pour autre qu'Allah est une association. C'est ça qu'ils indiquent ces versets-là. Puis Cheikh, il dit, ma yustafadu min al-aya. Qu'est-ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset? Cheikh, il dit, anna al-dhabha li ghayri Allah, al-fa'idatul oula, anna al-dhabha li ghayri Allah shirkun akbar, li'annahu qaranahu bis-salah, fakama anna man salla li ghayri Allah faqad ashraka, fakadhalika man dhabha li ghayrihi faqad ashrak. Cheikh, il dit, le premier bénéfice qu'on tire, il y en a quatre, à citer dans ce chapitre-ci, eh bien, le sacrifice d'une bête par égorgement pour autre qu'Allah est une association majeure. Et on avait déjà dit que l'association majeure, elle fait sortir, l'a'adhu billah, la personne de l'islam. Car elle a été ici, dans le verset, coordonnée à la prière. Or, comme celui qui prie pour autre qu'Allah a certes associé, alors de même, quiconque sacrifie une bête par égorgement pour autre qu'Allah a certes associé. Par rapport au verset, regardez le verset. Et on va revenir à ça plus tard, Inch'Allah. Ce qui est demandé au Talib Ilm, c'est différents niveaux, et Inch'Allah, au moins sont parmi les débutants, parmi Talib Ilm, c'est de lire avec intelligence, avec compréhension, il faut comprendre. Mais chers, ils disent que le hifd, ça ne suffit pas. Le hifd sans la compréhension, ce n'est pas suffisant. Et la compréhension sans le hifd aussi, ce n'est pas suffisant. Mais il faut arriver à lire intelligemment et à comprendre. Regardez ce qu'il dit le chef ici. Revenez au verset. « Qul inna salati wa nusuki. » D'accord? Et le chef, il dit ici, comme on avait traduit le verset, on avait dit « Ma prière, certes, et mon nusuk, mes actes de dévotion. » Et puis le chef, il dit ici, revenez à sa parole, « Le sacrifice d'une bête par égorgement pour autre qu'Allah est une association majeure. » Comment est-ce qu'il tire ça du verset, le Cheikh? Eh bien, il explique, il dit, car elle a été ici, c'est-à-dire, bien, en français, il a été ici, le sacrifice, il a été ici dans le verset coordonné à la prière. Hein? Oui ou non? D'accord ou pas? Il n'y a pas un waouh là? Oui ou non? Donc, il dit, or, comme celui qui prie pour autre qu'Allah a certes associé, alors de même, eh bien, quiconque sacrifie par égorgement, pour autre qu'Allah, à certes associé. Deuxième point, deuxième bénéfice, le fa'idatu thaniya, anna salata wa dhabha min a'dami al-ibadat. La prière et le sacrifice d'une bête par égorgement font partie des actes d'adoration les plus importants. Le fa'idatu thalitha, le troisième bénéfice, wujub al-ikhlas lillahi fi jami' al-ibadat. L'obligation de vouer une sincérité exclusive envers Allah dans tous les actes d'adoration. Quatrièmement, « anal ibadat tawqifiyah ». Et, ça c'est un mot important à comprendre, les mashayikh ils disent toujours que ce qui touche au niveau de l'ibadat, c'est tout ce qu'on appelle c'est le tawqif, c'est le tawqifi. Les mashayikh ils disent aussi « al-aslu fil ibadat al-man'a ». Illa madalla dalil alayhi min al-shara'a. C'est-à-dire que la base dans l'adoration, c'est ce que tu ne fais pas. Tant que tu n'as pas, la base c'est que tu ne fais pas. Contrairement aux choses de dunya, où c'est autorisé jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que dans l'adoration, tu ne fais pas tant que tu n'as pas un dalil. Et dans les choses de dunya, c'est autorisé tant qu'il n'y a pas une preuve qui est interdite. Comme l'a dit Sa'di rahimahullah, « Wal aslu fil ashiya ibahatun, fala tamna' illa bidni shari'i. » C'est-à-dire que la base dans les choses, c'est l'ibaha. Sauf, et n'interdit donc pas, si ce n'est avec une permission, c'est-à-dire une preuve du législateur. Ici, on parle de l'ibadat, c'est différent. L'ibadat, l'asl, c'est le tawqif, c'est le man'a. C'est-à-dire que tu ne fais pas tant que tu n'as pas une preuve. Alors, l'ibadat tawqifiya est mutawqifatun, Cheikh l'explique ici, à la amri sharia. C'est ça que ça veut dire, tawqifiya. Retenez ces termes. Un talib ilm se construit comment? En comprenant le jargon des ulama. C'est important ça, parce que le jargon, c'est-à-dire le vocabulaire spécifique aux savants de la religion, et bien de retenir ces termes et de les apprendre et de savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire. لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتِ. Donc, comme on a dit en français ici, les actes d'adoration reposent sur la preuve, c'est-à-dire qu'elles reposent sur l'ordre du législateur. Et pour preuve de cela, de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dont la traduction du sens est, et voilà ce qui m'a été ordonné. Donc maintenant, tu as pris une règle, tu as pris un dalil au moins pour cette règle. Tu vois? Regardez d'où il a pris ça le cheikh. وَبِذَلِكَ أُمِرْتِ. On continue dans ce chapitre. قال شيخ الإسلام محمد بن علوهاب رحمه الله تعالى وقوله فصل لربك وانحر. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et il cite un verset dans la traduction du sens est, et sa parole dans la traduction du sens est, comme on dit, c'est-à-dire la parole d'Allah, accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie la prière. C'est-à-dire accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. وانحر. Et c'est surat al-Kawthar, verset 2. Puis Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique ce passage et il dit « Fasali li rabbik, ay la li ghayri. » Fasali li rabbik, accomplis la prière pour ton Seigneur, c'est-à-dire pas pour autre que lui. « Wanhar, ay idbah. » Un nahar, ici le masdar c'est le nahar, et bien le Cheikh il dit ici « Wanhar, c'est-à-dire idbah, et sacrifie. » C'est-à-dire sacrifier une bête par égorgement, comme on a déjà dit. Le معنى الإجمالي للآية. يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفة للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. Le Cheikh il dit, le sens général du verset de sourate Al-Kawthar ici, c'est qu'Allah ordonne à son prophète صلى الله عليه وسلم de lui vouer la prière et le sacrifice sincèrement pour lui, contrairement aux associateurs qui adorent autre qu'Allah et sacrifie des bêtes par égorgement pour les idoles. Munasabatu al-ayati lil-bab, anna adh-dhabha 'ibadatun yajib ikhlasuha lillahi subhanahu wa ta'ala wa sarfuha li ghayrihi shirkun akbar. Quel est le rapport, encore une fois, entre ce verset de sourate Al-Kawthar et le chapitre de ce qui a été rapporté au sujet du sacrifice par égorgement pour autre qu'Allah? Eh bien, c'est le rapport entre le verset et le chapitre est que le sacrifice d'une bête par égorgement est un acte d'adoration qui doit obligatoirement être voué sincèrement à Allah. Et le vouer à autre que lui est une association majeure. Ma yustafadu min al-aya. Qu'est-ce que l'on tire comme bénéfice de ce verset de sourate Al-Kawthar? Mais Cheikh il dit, al-fa'idatu al-oula, anna al-dhabha li ghayri Allah shirk akbar, li'annahu 'ibada. وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes pourquoi c'est un shirk akbar. Mais parce que c'est un acte d'adoration, comme le shirk l'explique ici, eh bien, le premier bénéfice, c'est le sacrifice d'une bête par égorgement, pour autre qu'Allah est une association majeure. Pourquoi? Il dit le shirk, لأنه عبادة, car c'est un acte d'adoration, et vouer l'adoration à autre qu'Allah est une association majeure. Deuxième faïda, le faïda tout thaniya, anna salata wa dhabha min a'adam il ibadat. La prière et le sacrifice font partie des actes d'adoration les plus importants. Thalithan, ou bien faïdat ou thalitha, anna salata wa dhabha lillahi min a'adami madahiri shukri ni'am. Fa innahu ata bil faïd dallati ala sabab. Fa salli la rabbika wanhar. لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه من الكوثر. La prière et le sacrifice pour Allah font partie des manières les plus importantes d'exprimer la reconnaissance envers Allah pour les bienfaits, ce qu'on appelle shukru ni'am. Car ici, dans le verset, la lettre fa, fa salli, indique la cause. Cheikh Al-Uthaymeen, dans son charh, il dit que c'est le fa, Cheikh Al-Fawzan aussi, il dit que c'est ce qu'on appelle la fa sababiyya, c'est pas darfiyya. Hein, c'est, ou plutôt ici, bref, on va parler, même fa ici, ça indique la cause. Retenez que c'est sababiyya, d'accord? Car cela est une cause pour s'acquitter du remerciement pour ce qu'il lui a donné en termes d'abondance, d'accord? Ça, moi, je pense, par rapport à fi, dont on va parler, ou je pense qu'on en a parlé là, dans le darf précédent. C'est aujourd'hui ou dans le darf précédent qu'on en a parlé? Qu'il a dit non, voilà, c'est fi. Dakhal al-jannata rajulun fi dubab. Parce que fi, ça peut être darfiya, mais ici, c'est pas darfiya, c'est sababiya. Donc, confondez pas le fa ou le fi, qui sont différents. Donc, Cheikh l'Islam Muhammad al-Wahhab, rahimahullah, il continue son chapitre en disant An Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من من ici je sais pas si vous avez la même chose, il y a un ha, hein, c'est man من غير منار الارض رواه مسلم. D'après Ali ibn Abi Talib, qu'à la lettre ou la grecque, qui dit le messager d'Allah m'a dit quatre choses, c'est-à-dire que le prophète il l'a informé de quatre choses. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam qu'Allah maudisse quiconque sacrifie une bête par égorgement pour autre qu'Allah. Et qu'Allah maudisse quiconque maudit ses propres parents. Et qu'Allah maudisse quiconque protège un criminel. Ici, le mot qui est utilisé en arabe, c'est man awa muhditha. Et vous allez voir que l'innovateur, il rentre dedans aussi, comme les mashayikh l'ont expliqué. Et qu'Allah maudisse quiconque modifie les délimitations d'une terre. Rapporté par Muslim. Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, il explique cela en disant La'an Allah, al-la'natu min Allah, al-tard wa al-ib'ad. Là, il t'a donné une définition, c'est quoi? C'est de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est tard wa al-ib'ad. C'est-à-dire qu'Allah est loin de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala, wa li'adhu billahi min dhalik. Wa min al-makhlouqin, al-sabbu wa al-du'a. La'an Allah, qu'Allah maudisse la malédiction d'Allah et le balissement et l'éloignement. Et de la part des gens, c'est l'insulte et l'invocation. ذبح لغير الله من الأصنام أو الأولياء والصالحين أو الجن أو غير ذلك. ذبح لغير الله, qui sacrifie pour autre qu'Allah, pour les idoles ou les alliés, ce qu'on appelle l'Aulia. Et Cheikh Islam Boutier, il a expliqué, il a dit Al-Wali كل مؤمن تقي. Hein? C'est-à-dire que la définition du Wali, c'est très simple, c'est tout croyant pieux. كل مؤمن تقي. Qui s'est donné un dalil pour ça? Non. Là, je t'aide à la fin, c'est Alladina amanu wa kanu yattaqun. Personne? Eh bien, c'est comme ça, encore une fois, que le talib aïmi se construit. Allez chercher le verset, Shams wa Timia. Si vous voulez, je vous donne la référence. الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لا رفهم إذا رسالة شيخ الإسلام التيمية la différence entre les alliés d'Allah et les de Rahman, du miséricordieux, très miséricordieux et les alliés de Satan et dans la définition de c'est quoi un wali et il donne le dalil pour ça. Donc on a dit pour les idoles ou les alliés d'Allah, c'est-à-dire les croyants pieux comme on l'a défini, et les vertueux ou les djinns ou autres. لعنا والدي المراد بهما أبوه وأمه وإن علوا سواء باشر لعنهما أو تسبب فيه بأن يلعن والدي شخص فيرد عليه بالمثل. La'ana walidei, maudit ses parents, ce qui est voulu par eux deux, ce sont son père et sa mère, et même si c'est plus haut dans les générations, et ce qu'il les maudisse lui-même directement, ou qu'il en soit la cause. Comment ? Eh bien que donc il maudisse les parents de quelqu'un qui va en retour maudire ses parents à lui, en lui répondant de manière similaire. C'est-à-dire que lui, il était la cause à ce moment-là, en maudissant les parents de quelqu'un, pour que cette personne lui réponde de la même manière, et que donc il se retrouve à la fin qu'il a lui-même indirectement maudit ses propres parents. Vous savez que dans certains pays du Maghreb, c'est quelque chose d'assez répandu. Allah musta'an. Enfin, si je mets les pieds comme ça. Awa, ay dhamma wa hama, protège, c'est-à-dire le traite avec bienveillance et le protège. Alors maintenant, la fameuse mas'ala ici de man awa muhditha, al-muhdith, muhditha. Cheikh, il dit, bi kasri dal al-jani, avec la kasra sous le dal, muhdithan, c'est al-jani. Al-jani, c'est le criminel. Et avec la fetha sur le dal, muhdatha, donc muhditha ou muhdatha, eh bien, comme ça, rahmatullah. Wa bi fathiha huwa al-amr al-mubtada' fi al-din wa iwa'uhu al-rida bih. Donc, ce qui est muhdath, vous connaissez ce mot-là, kulla muhdathatin bid'a, c'est que muhdatha, eh bien, c'est l'affaire innovée dans la religion et sa protection, protection c'est d'être satisfait de ça ou de lui. Ghayyara manar al-ard, change les délimitations d'une terre, qu'est-ce que ça veut dire? Wa manar al-ard hiya al-marasim allati tufarriqu bayna milkika wa milki jarika wa taghyiruha yakunu bi taqdimiha aw ta'khiriha. Les délimitations sont les traçages qui montrent la limite entre ta propriété et celle de ton voisin. Et donc les changer se fait soit en les avançant, soit en les reculant. C'est-à-dire que tu changes les délimitations, c'est une triche si vous voulez, hein, délimitation de cette terre entre, qui délimite cette, ta propriété de celle de ton voisin. Maintenant, Cheikh va expliquer ça plus en détail. Il dit, « Al-ma'na al-ijmal il al-hadith. » Alors, hadith rapporté par un muslim d'après Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, eh bien c'est quoi? C'est que le sens général de ce hadith, c'est que « Yuhaddiru sallallahu alayhi wa sallam ummatahu min arba'i jara'im. » فيخبر أن الله تعالى يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها. Voyez maintenant ce qu'on a parlé tout à l'heure de الطرد والإبعاد. C'est ça ici. C'est ça qu'il faut comprendre. L'ana, c'est الطرد من رحمة الله والعذو بالله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم met en garde sa communauté contre quatre crimes et informe donc qu'Allah éloigne, bannit de sa miséricorde quiconque commet l'un de ces crimes. Le premier, faire un sacrifice. Al-oula, c'est-à-dire al-jarimat al-oula, faire un sacrifice, al-taqarrub bi-dhabh ila ghayrillah, lanu sarfun lil-ibadati ila ghayri mustahiqqiha. Le premier de ces quatre crimes, qui sont cités dans ce hadith, et qui sont une cause de malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal-a'udhu billah, eh bien c'est que le premier, c'est faire un sacrifice d'une bête par égorgement, par acte d'adoration, pour autre qu'Allah. Car c'est voué l'adoration pour autre que celui qui en a le droit. Le deuxième crime, al-jarimatu thaniya, c'est man da'a ala walidayhi bil-la'nati aw sabbahuma aw tasabbaba fi dhalik, bin yasdura minhu dhalika fi haqqi abawayhi shakhsin fayurda 'alayhi dhalika ash-shakhs bil-mithl. Le deuxième, celui qui invoque contre ses parents en les maudissant ou les insulte, ou en est la cause par le fait que cela émane de lui à l'encontre des parents de quelqu'un, c'est-à-dire d'autrui, et que donc cette personne lui répond de la même manière. Jarimatu thalitha, le troisième crime, man hama janiyan mustahiqqan lil hadd shar'i famana'ahu min an yuqam 'alayhi al hadd aw radiya bi bid'atin fi ad-din wa aqarraha. Troisième, c'est quiconque protège un criminel qui est en droit de recevoir une peine légiférée et empêche donc cette peine légale lui soit appliquée, ou quiconque est satisfait d'une innovation dans la religion et l'approuve. Donc, ça rejoint des discussions des fois qu'on a entre nous les frères sur le fait que certains frères sont trop laxistes, certaines sœurs sont trop laxistes sur le Masail Minhajiyah, sur des gens qui ont des bida'a et des choubouhat et des choses comme ça. Hein? Attention, attention. Rabi'a, le quatrième, quiconque change les, comme le Cheikh l'a dit, man stasarrafa fi marasim al-ard allati tafrizu al-huquqa faqaddamaha aw akhara an makaniha, fayansha 'an dhalika iqtita'u shay'in min ardi ghayrihi dhulma. Le quatrième, quiconque change les délimitations d'une terre qui partage les droits des gens, qui font la séparation entre les droits des gens, et donc les fait avancer ou reculer de l'endroit où elle se trouvait, et qui donc résulte de cela qu'une partie de la terre d'autrui est prise injustement. Munasabatul hadith lil bab. Le rapport entre le hadith et le chapitre est anna fihi dalilan ala ghaldi tahrim adh-dhabh li ghayrillah حيث إن فاعله أول من يستحق لعنة الله. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la preuve de la gravité et de la gravité de l'interdiction de sacrifier pour autre qu'Allah, car celui qui commet ce crime est le premier en droit de recevoir la malédiction d'Allah. Ça, c'est quelque chose que le Cheikh rapporte souvent dans les explications de Kitab Tawhid, qui a le Cheikh Islam Muhammad Al-Wahhab rahimahullah dans ses Masail. Il dit ça parce que c'est le premier qui a été cité dans le hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Qu'est-ce que l'on tire comme bénéfice du hadith? Awalan anna ad-dhabha li ghayrillah muharramun shadid at-tahrim wa shirkun fi muqaddamati al-kaba'ir. Le premier de ces bénéfices, c'est que le sacrifice d'une bête par égorgement pour autre qu'Allah est illicite et son interdiction est sévère. Et une association qui occupe la première place parmi les grands péchés. Thaniyan, ou bien al-fadiyatu thaniya, ana dhabha ibadatun yajibu sarfuha lillahi wahda. Le sacrifice est un acte d'adoration qu'il est obligatoire de vouer à Allah seul. Thalithan tahrimu la'ni al-walidain wa sabbihima mubasharatan aw tasabbuba. Le caractère illicite de maudire les parents et de les insulter directement ou en étant la cause. Rabi'an, tahrimu manasarat al-mujrimin wa himayatihim min tatbiq al-had al-shar'i alayhim wa tahrimu ar-ridha bil-bid'a. Le caractère illicite de secourir les criminels et de les protéger de manière à ce que les peines légales ne leur soient pas appliquées et l'interdiction d'être satisfait des innovations religieuses. Tahrimu tasarrufi fi hudud al-ard bi-taqdim aw ta'khir. L'interdiction de se comporter envers les délimitations d'une terre de manière à les changer, soit en les avançant, soit en les reculant. الفائده السادسه والاخيره جواز لعن انواع الفساق لاجل الزجر عن المعاصي. L'autorisation de maudire les genres de pervers afin d'empêcher les gens de commettre des péchés. Cheikh l'Islam Mohammed Abdul Wahhab rahimahullah, il continue en disant: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فدخلوا عفوا يسيان دال فلغتشغيس فخلوا فخلوا سبيله ف دخل دخل فدخل النار. وقالوا للآخر قرب. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضرب عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. دوك ici يرحمك الله l'auteur qu'elle lui fasse miséricorde, Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: et d'après Tariq ibn Shihab, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme est rentré au paradis en raison d'une mousse. C'est le fameux fille que j'ai dit tout à l'heure. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, arhamakullah, c'est pas le fille d'Arfiya, c'est-à-dire c'est pas le fille de ce qu'on appelle en français à l'époque. Hein, c'est, je sais que l'académie française a changé beaucoup entre temps, mais à l'époque ça s'appelait un complément circonstanciel de lieu, hein, dans les anciens livres de grammaire. Et c'est pas de ça qu'on parle ici. Ici on parle de fille sababiya. De cause, de la causalité, comme on dit en français. D'accord? Le fil de causalité. Et d'après Tariq ibn Shihab, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme est rentré au paradis en raison d'une mouche, et un homme est rentré en enfer en raison d'une mouche. Hein, tu ne vas pas traduire dans une mouche, vous comprenez? Ils dirent, et comment au messager d'Allah? Il dit, deux hommes sont passés auprès d'un peuple qui avait une idole que nous ne pouvions passer, que nous ne pouvions dépasser, si vous voulez, sans lui offrir quelque chose en sacrifice. Ils ont dit à l'un des deux, offre un sacrifice. Il répondit, je n'ai rien à lui offrir en sacrifice. Et ils dirent, offre un sacrifice, ne fût-ce qu'une mouche. Il offrit donc une mouche en sacrifice et ils le laissèrent libre. Et en raison de cela, il entra en enfer. Ils dirent au deuxième, offre un sacrifice. Il répondit, je n'offrirai rien en sacrifice, si ce n'est à Allah, exalté soit-il. Et donc ils lui tranchèrent le cou et il entra au paradis. Rapporté par Ahmad, في كتاب الزهد أبو نعيم في الحلية ابن أبي شيبة دانسو مصنف موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه c'est-à-dire que c'est une parole de Salman al-Farisi dans المصنف et dans الحلية d'Abu Nu'aym موقوفا c'est-à-dire que c'est une parole de Salman al-Farisi et pas du prophète عليه الصلاة والسلام on va revenir à ça tout à l'heure inshallah. L'explication du très savant Cheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il dit Tariq ibn Shihab, wa Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi ra'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yasma' minhu, fa hadithuhu mursal. Sahabi, mata Tariq sanata 83 hijriyya radiyallahu anhu. Donc Cheikh Al-Fawzan hafidahullah, il dit Tariq ibn Shihab, bien c'est Tariq ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas entendu de lui. On va revenir à ça par rapport à tout à l'heure. Donc, sa parole, ce qu'on appelle Mursal al-Sahabi. C'est un hadith Mursal. Parce que lui, il n'a pas entendu directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Mursal al-Sahabi, c'est différent. D'accord ? On va revenir à ça, inshallah. Donc, il a dit, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas entendu de lui. Et donc, son hadith est Mursal. Un compagnon décédé en l'an 83 de l'Hégire, Kalalagré. Fi dubab, ay bi sababi dubab. Ça rejoint la parole sur l'Uthaymin. Hein? C'est sababiya ici. Et donc c'est fi dubab, c'est-à-dire en raison d'une mouche. Sanamun ma kana manhoutan ala surah. Sanamun, une idole. C'est ce qui est sculpté en une représentation. D'accord? Donc vous avez une différence entre le wathan et as-sanam. Il y en a un qui est plus large que l'autre. C'est Wathan qui est plus large que As-Sanam. Sanam, c'est spécifique à ce qui est à la surah. Hein, comme un hayawan ou quelque chose comme ça. D'accord ? Tandis qu'un Awthan, parce qu'un Qabr, il peut être appelé Wathan ou Ni'ubad. Ça peut être appelé un Wathan. Comme sur l'Uthaymin. Et d'autres messieurs, ils expliquent dans leur shuruh de Kitab al-Tawhid. Donc ils disent les messieurs, le Wathan a'am min As-Sanam, wa As-Sanam a'khassu min al-Wathan. لا يجاوزه لا يمر به ولا يتعداه لا يجاوزه nul ne la passe nul ne passe à côté d'elle cette idole et ne la dépasse يقرب يذبح il sacrifie une bête par égorgement المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خطورة الشرك وشناعته فيحدث أصحابه ويبدأ حديثه ببداية تجعل النفوس تستغرب وتطلع إلى سياق هذا الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب شيء يسير سبب أمرا خطيرا وأوجب السؤال عن تفصيله وهنا يفصل فيقول إن رجلين يظهر أنهما من بني إسرائيل أرادا العبور مع مكان يحل في ساحة صنم يفرض على من أو يفرض على من أراد تجاوزه أن يذبح له تقربا إليه وتعظيما له فطلب عباد ذلك الصنم من الرجلين التمشي على هذا النظام الشركي فأما أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه بأيسر شيء لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشرك فذبح للصنم ذبابا فتركوه يمر فدخل بسبب فعله هذا نار جهنم لأنه فعل الشرك ووافقهم عليه وطلبوا من الآخر أن يقرب للصنم فاعتذر بأن هذا شرك ولا يمكن أن يفعله فقتلوه فدخل الجنة لامتناعه من الشرك. Le prophète صلى الله عليه وسلم informe de la dangerosité de l'association et de son énormité et donc informe ses compagnons et commence son hadith par et ça c'est important encore une fois de lire avec une compréhension Il faut voir le style du prophète alayhi salatu wassalam ici dans la da'wa. Il informe ses compagnons et commence son hadith par un commencement qui fait que les âmes s'étonnent et veulent savoir le reste du hadith. Un homme est rentré au paradis en raison d'une mouche et un homme est rentré en enfer en raison d'une mouche. Une chose simple qui a causé quelque chose de grave et requiert que la question soit posée sur les détails de ce récit. Et donc, il a détaillé le récit sallallahu alayhi wa sallam en disant que deux hommes, il semble qu'ils faisaient partie des fils d'Israël, ont voulu passer par un endroit sur la place duquel il y avait une idole. Et il était obligatoire à toute personne qui passait par là d'offrir un sacrifice pour cette idole, en acte d'adoration et d'exaltation. Et donc les adorateurs de cette idole ont demandé aux deux hommes d'appliquer cette règle qui relève du domaine de l'association. L'un des deux présenta comme excuse qu'il n'avait rien à offrir en sacrifice. Mais ils furent satisfaits de la plus petite chose, car leur but était son approbation quant à l'association. Et donc il offrit en sacrifice par égorgement une mouche, ils le laissèrent passer, et donc à cause de cet acte, cet homme entra en enfer, car il avait commis l'association et approuvé l'association qu'il pratiquait. Comme certains mashayikh, comme dans Tamhid, Sharhat Tawhid, ils disent que ça c'est parmi les ahqar shay, yani les choses les plus méprisables, une mouche. Qu'en est-il pour ceux qui égorgent des choses qui sont de valeur, comme un chameau, une vache, etc. Ça c'est une mouche que personne ne voudrait manger ou voudrait avoir, etc. Chose méprisable, yani. Et le laisser passer, donc, à cause de cet acte, cet homme entra en enfer car il avait commis l'association et approuvé l'association qu'il pratiquait. Et ils ont demandé au deuxième d'offrir un sacrifice à l'idole, mais il présenta comme excuse que c'était une association et que donc il ne pouvait pas le faire. Et le tueur, suite à cela, et donc il entra au paradis car il ne l'avait pas fait. Munasabatul hadith lilbab. Anhu dalla ala anna dhabha ibada. Wa anna sarfahu li ghayrillahi shirk. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique que le sacrifice d'une bête par égorgement est un acte d'adoration et que le vouer à autre qu'Allah est une association. Ma yustafadu min al-hadith bayanu khuturati shirki wa law fi shay'in qalil. Premier bénéfice, c'est la mise en évidence de la gravité de l'association et ce même au sujet d'une petite chose. Deuxième bénéfice, anna shirka yujibu dukhul an-nar wa anna at-tawhid yujibu dukhul al-jannah. Que l'association rend obligatoire l'entrée en enfer et l'unicité rend obligatoire l'entrée au paradis. Allah azza wa jalla min ahli at-tawhid wa ahli al-jannah. Troisième point, an al-insana qad yaqa'u fi ash-shirk wa huwa la yadri annahu ash-shirk alladhi yujibu an-nar. Il se peut que quelqu'un tombe dans l'association alors qu'il ne saisit pas que c'est l'association qui rend l'enfer obligatoire. Quatrième, at-tahdhir min adh-dhunub wa in kana saghiratan fi al-husban. La mise en garde contre les péchés, et ce même s'ils sont petits, ces péchés dans le compte. Cinquième, أن هذا الرجل دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم. Cet homme est entré en enfer pour une raison qu'il n'avait pas l'intention de faire au début, mais qu'il a faite ensuite seulement pour se débarrasser du mal du peuple qui adorait cette idole. Personne ne se pose une question ici. Va jusqu'au bout de ta question. Il y en a, il dit un mot, l'autre il dit un mot, vous allez vous compléter les uns les autres. Hein? Ouais. Bah, dis-le comme tu peux, c'est tout. Est-ce qu'il n'a pas été forcé de le faire? Donc on peut se poser comme question. C'est une bonne question, on va revenir à ça. On va revenir dans l'explication de Sir Saleh al-Shir et je vous ai rapporté aussi l'explication sur le Uthaymin. Hein? En général, quand on fait un livre d'un Shir, on se limite à ce qu'il dit, etc. Mais c'est intéressant de voir un peu, surtout pour ce hadith-là. Plusieurs points sur son authenticité déjà d'abord, hein? Et puis sur le fiqh de ce hadith. Et comment les ulama, ils ont expliqué, ils répondent à ce genre de questions, de problématiques. D'accord? Donc on a dit, on est au sixième. أن المسلم إذا فعل الشرك أبطل إسلامه ودخل النار لأن هذا الرجل كان مسلما وإلا لم يقل دخل النار في ذباب. Si le musulman commet l'association, il annule son islam, l'a'idhu billah, et entre en enfer. Car cet homme était musulman. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit un homme est entré en enfer en raison d'une mouche. Personne ne se pose une deuxième question ici. Je répète. C'est quoi la question? Parce que la question tourne autour du fait que comment on sait que le hadith était musulman. Oui, c'est ça. Et parce que le prophète, le cheikh, pardon, le cheikh ici, il dit Rajul kana muslima. Et si je me souviens bien, c'est ce qu'il dit Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab dans ses masaïl aussi. Hein? Ben ça, on va voir. Inch'Allah. Septième, c'est pour ça que je dis il faut lire intelligemment, il faut comprendre les choses. Septième point, Anal Mu'tabar. J'ai traduit le sixième. Hein? Septième, Anal Mu'tabar Amal al-Qalbi wa in saghura Amal al-Jawarih. Ce qui est considéré, c'est l'action du cœur, et c'est même si les actions des membres sont petites et peu. Huitième point, Anal Dhabha ibadatun wa sarfu li ghiri Allah shirkun akbar. Huitième point, le sacrifice par égorgement est un acte d'adoration et le vouer à autre qu'Allah est une association majeure. Neuvième point, fadlu tawhidi wa adimu thamaratihi, le mérite de l'unicité et l'immensité de ses fruits. Dixième point, fadilatu sabri ala al-haq, le mérite de la patience sur la vérité. Qui se pose une troisième question par rapport au dixième point ici? Fadilatu sabri ala al-haq, le fait de patienter sur la vérité. Ça, c'est une règle que tu me dis. Je pose une question éventuelle que tu pourrais, quelqu'un qui lit intelligemment pourrait se poser. Même si ça peut lui coûter la vie. Voilà, c'est ça. C'est quoi le mieux? Ou sauver sa vie. Et à ce qui est permis aussi. C'est une question rhétorique, hein. Je n'attendais pas de réponse. Hein? Parce que tu vas voir qu'en fait, c'est détaillé. Sur la team, il répond à ça en détail. Hein? Il fait un tourcil. Normalement, on a fini le cours pour aujourd'hui, mais j'ai pensé qu'il était intéressant de rapporter le Qol Mufid à la Kitab Tawhid sur l'Uthaymin pour un peu mieux comprendre ce hadith. Et certains mashaykh disent que ce charh-là, qui est en deux tomes, 1200 pages de sur l'Uthaymin, c'est le plus complet de Kitab Tawhid. Je vous conseille vraiment de le lire. Il n'existe pas en français, hein, ça c'est. Mais je vous conseille vraiment de le lire. C'est un charh, yani que, dire si je ne me trompe pas, moi c'est le premier que j'avais lu à l'époque. Et il m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la compréhension de Kitab Tawhid, ce charh. Vraiment, et le cheikh, il rapporte beaucoup de règles, beaucoup de fawaïd. C'est un livre très, très, très complet. Eh bien, le cheikh, il dit, Hadil Qisal Adima, ou Yakisatu Zubab. Cette fameuse histoire, ce récit, et qui est le récit de la mouche. Il dit, le cheikh, Ka'an al-mu'allifa, rahimahullah, yusahihu al-hadith. ولهذا بنى عليه حكما والحكم المأخوذ من دليل فرع عن صحته والقصة معروفة. Ça c'est une règle que Cheikh Al-Albani rapporte beaucoup. Il dit شرح الحديث فرع عن تصحيحه. Le fait d'expliquer un hadith est une branche ou découle d'abord du fait de savoir s'il est authentique ou pas. C'est ça la première chose qu'il faut voir. Et donc Cheikh Al-Athimin il dit كأن المؤلفة, parce que Cheikh Mohamed Al-Wahhab il l'a rapporté. Il dit, c'est comme si le mu'allif il voyait que c'était authentique. Et vous savez que le mas'ala tasihih al-ahadith ou tadhaif al-ahadith, c'est une mas'ala qui est ijtihadiyya. Donc c'est un amr nisbi qui revient au cheikh, qu'est-ce que lui voit qui est authentique ou pas. C'est pas comme nous. Parce que les cheikhs ils jugent eux-mêmes, ils ont la capacité de juger sur de juger les chaînes de transmission, etc. Et là, l'histoire, cheikh dit, le récit il est connu. Il dit كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. Ça c'est le neuvième point des masaïl que Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab rapporte. C'est vrai que Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab rahimahullah, il a rapporté Kitab Tawhid, mais dans Kitab Tawhid il y a des adillah, etc., des chapitres d'adillah et aussi des masaïl. Ce sont des points, des bénéfices si vous voulez, qu'il dérive lui-même de ce chapitre qu'il a rapporté lui-même Cheikh l'Islam Mohamed Al-Wahhab rahimahullah. Et donc le neuvième point, la neuvième faïda si vous voulez, que l'auteur lui-même y rapporte, c'est ce qu'il explique ici sur l'Uthaymin. Et c'est ce que Cheikh Al-Fawzan il a dit. Donc vous voyez que Cheikh Al-Fawzan il se base sur, beaucoup sur ce que dit Cheikh Al-Islam, Mohamed Al-Wahhab, rahimahullah, évidemment. Donc il dit, le fait qu'il soit rentré en enfer en raison de cette mouche, qu'il n'avait pas l'attention. Belle, mais qu'il a, au début on a dit, mais qu'il a fait comment? تَخَلُّسَنْ مِنْ شَرِّهِمْ, afin de se débarrasser de leur mal, se préserver de leur mal. Écoutez la parole de Cheikh Al-Uthaymin. Il dit, هَذِهِ الْمَسْأَلَ لَيْسَتْ مُسَلَّمَةَ. Yani, cette mas'ala, ce n'est pas quelque chose qu'on accepte directement comme ça. فَإِنَّ قَوْلَهُ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا يَقْتَدِي أَنَّهُ فَعَلَهُ قَاسِدًا تَقَرُّبْ. car sa parole, regardez, qarrib, qu'on lui dit qarrib, regardez l'importance de la langue arabe. Il lui dit qarrib, yani fais cela taqarruban. Donc le mot lui-même, il explique sur le Thémin, il implique qu'il l'a fait avec l'intention de se rapprocher comme un acte d'adoration. Donc là, il y a un élément de réponse. أما لو فعله تخلصا من شرهم تandis que s'il le faisait afin de se préserver de leur mal, il a dit فإنه لا يكفر لعدم قصد التقرب. Alors là, ce moment-là, il ne devient pas mécréant. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas cette intention de se rapprocher, de faire ça en acte, de ce qu'on dit se rapprocher, c'est-à-dire de faire ça en tant qu'acte d'adoration. Et là, on revient à ce qu'il a dit le frère, il est ce qu'on appelle mukrah, c'est-à-dire qu'il est forcé. Il y a un meilleur mot en français, c'est sous la contrainte. C'est-à-dire qu'on le menace de mort, etc. D'ailleurs, une mas'ala, fiqhiya, est-ce qu'ils l'ont contraint sur un acte ou une parole? Sur un acte. Est-ce que l'excuse, elle est sur les actes uniquement ou les actes et les paroles? Différents avis, ce machir. Sur l'Athémine, il a l'avis que c'est les deux. Sur l'Éthiopie, dans le Sarsah Muslim aussi, il dit la même chose. Hein? Il dit, « ولهذا قال الفقهاء لو أكره على طلاق امرأته فطلق تبعا لقول المكره لم يقع الطلاق. » Il donne un exemple dans le fiqh, il dit que si quelqu'un, par exemple, il est sous la contrainte, il est forcé de divorcer sa femme, mais qu'il l'a fait en suivant la parole de celui qui l'a contraint, eh bien il dit, le divorce, il n'a pas lieu. بخلافي ما لو نوى الطلاق. Contrairement s'il avait l'intention de divorcer. وهذا حق لقول صلى الله عليه وسلم. Ça c'est une vérité. Le shahidi, quel hadith? إنما الأعمال بالنيات. Les actes ne valent que par leur intention. وظاهر القصة أن الرجل ذبح بنية التقرب. Regardez le fiqh des mashayikh. Le shahidi, est-ce qu'il y a apparent du hadith par rapport juste au mot qarrib? C'est que donc cet homme il l'a fait par acte d'adoration. لأن الأصل أن الفعل مبني على الطلب يكون موافقا لهذا الطلب ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله. الشيخ العثيمين regardez الأدب. C'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu vous lire ça. Pourquoi on apprend l'adab dans les مسائل العلمية. الشيخ العثيمين dit ونحن نرى خلاف ما يرى المؤلف رحمه الله. Il a dit et nous voyons ce qui est contraire à ce que voit l'auteur. Regardez le respect. Regardez la manière de parler dans l'ilmiya. Et nous, on a un grand besoin d'apprendre ce respect-là. Et la manière de parler de manière... C'est-à-dire du masal ilmiya, mais de parler du masal ilmiya de manière ilmiya aussi. Aïe, لو أنه لو فعله بقصد التخلص ولم ينوي التقرب لهذا الصنم لا يكفر. Car s'il avait fait en voulant se débarrasser de cette contrainte, sans avoir l'intention de le faire en tant qu'acte d'adoration pour cette idole, eh bien, il ne me croit pas. لعموم قول تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. Ça c'est le fameux verset de sourate Nahl que le Meshir utilise pour ce qu'il appelle le frère le mani' al-ikrah, c'est-à-dire l'empêchement qui t'empêche, la barrière qui t'empêche que le hukm de tekfir spécifique il soit déposé sur une personne, et une des barrières, c'est la contrainte. En passant, les frères, sujet très dangereux, Tekfir Mouayyan, rentre pas là-dedans. Hein? On a dit, on a eu une fitna ici à l'époque, on a parlé, les méchés ont parlé, on a traduit, on a fait tout, on a waqid l'islam, on a rapporté 15 règles sur le tekfir. D'accord? Et la dernière règle, c'était que ça revient au ulama, etc. Attention à ce genre de masail, ce masail d'Aqiqa. Cheikh Saleh Ali Cheikh dit c'est le dernier bab que tu dis dans le fiqh parce que c'est le plus dangereux, le plus difficile. Et il y en a, ils veulent rentrer en premier dedans. Ils n'ont même pas encore fait Tahara, Salah, etc., etc. Ils veulent rentrer en premier dedans. Attention. Parce que si des frères en parlent entre eux avec ilm, avec des paroles de savants, c'est une chose. Mais c'est peu que tu sois avec des gens qui ont une autre intention. Et qui appellent à un manhaj. On ne va pas refaire l'Aqd al-Islam qu'on a fait en plus de 20 cours. Hein? On ne va pas le refaire maintenant, mais et c'est en PDF, en audio sur notre site, si vous voulez. Et j'ai traduit beaucoup de fatwa des mashayikh, notamment Cheikh al-Fawzan, qui dit que ça revient au ulama et au qudat, etc. On a parlé de ça en détail. On ne va pas revenir là-dessus. Mais fermer la porte à ce genre de mesaïl, dans le sens quoi, c'est que on a dit, un jour ou l'autre, tu apprends ça dans l'ilm, comme tu apprends le reste, etc. Mais faites attention à l'haddadiyya, qui ont un agenda qui est différent. Et qui veulent sortir ce genre de mesaïl parce qu'ils ont un but. Ils veulent t'appeler à quelque chose de précis. Ferme cette parenthèse, on revient. Il dit, وَهَدَا الَّذِي فَعَلَ مَيْجُبُ الْكُفْرَ تَخَلُّصًا مُطْمَئِنُ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ. Il dit, et celui qui a fait ce qui rend obligatoire l'homme et créance, afin de se débarrasser de la contrainte, alors que son cœur est apaisé par la foi. C'est-à-dire, vous comprendrez, et Cheikh Al-Uthaymeen, il va parler de ça après. Vous avez le batin ou le zahir. Vous avez ce qui est intérieur et extérieur. C'est-à-dire qu'ici, ce qui fait de manière zahir, yukhalif le batin. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que ce qui montre en apparence, qui le fait l'acte, parce qu'il a peur de la mort, c'est pas ce que lui, il a dans son fort intérieur. D'accord ? Chéri va revenir là-dessus, Inch'Allah. Il dit, et ça c'est une mis'ala dont j'ai parlé tout à l'heure, « Annahu la farqa bain al-qawl al-mukrah alayhi wa al-fi'l. » Chéri al-Athimi voit qu'il n'y a pas de différence entre, dans la contrainte, dans l'excuse de la contrainte, entre l'action et la parole. « Wa in kana ba'd al-ulama yufarriqu yaqul. » Il y a certains savants de la sunna qui font la différence entre les deux, qui disent que le fi'l est excusé sous la contrainte et pas la parole. La parole et pas l'action. C'est que, c'est que s'il est contraint pour une parole, il ne me croit pas, et que s'il est contraint pour une action, il me croit. Voilà, c'est ça. Et j'utilise comme preuve le récit de Dhubab. Donc, certains avis, notamment, c'est ma chère question, cet avis-là, que la personne est excusée sur la parole et pas l'action, eh bien, ils utilisent ce hadith de la mouche. D'accord ? Et Cheikh Al-Uthaymeen dit, et dans cette utilisation de cet argument, de cette preuve, eh bien, il y a matière à analyse. Pourquoi il dit ? Fiha nadar min haythu sihhatiha. Parce que déjà, au niveau de l'authenticité, il faut d'abord voir, il y a quelque chose à dire par rapport à l'authenticité de ce hadith. Et il dit le cheikh, وَفِيَ نَادَرْ مِنْ حَيْتُ الدَّلَالَ. Comprenez ça. Cheikh, il dit, de un, il y a une analyse à faire, il y a quelque chose à dire au niveau de l'authenticité du hadith, et puis aussi au niveau d'utiliser ce hadith comme preuve pour ça. Dans les deux, le cheikh, il dit, il y a quelque chose à dire. Et donc, il va le dire, Cheikh Al-Uthaymeen. Et il dit, et certains frères ici qui se rappelaient des jalassettes qu'on faisait à l'époque, hein, en Belgique, ça leur, ce genre de messaïd, ça leur rappelait les jalassettes, les anciennes jalassettes. Donc, on a dit, si on admettait, par exemple, que cet homme a sacrifié la mouche afin de se débarrasser de la contrainte et de leur mal, فَإِنَّ لَدَيْنَا نَصًا مُحْكَمًا فِي الْمَوْضُوعِ. Nous avons un nas qui est muhkam, qui est sans équivoque, un texte qui est sans équivoque sur le sujet. C'est lequel ? Le verset de surat Nahl, qui est clair que l'ikra, c'est une excuse et une barrière dans le takfir, le mu'ayyan. Donc ici, ça n'a pas été rapporté que sur la parole. Et donc, tant que nous avons un texte explicite, clair, فإنه لو وردت السنة الصحيحة على وجه مشتبه, même si la sunna authentique est rapportée mais d'une manière qui peut prêter ambiguïté dans notre compréhension à nous, hein, c'est pas que la sunna est ambiguë, فإنها تحمل على النص المحكم. Alors on fait passer ça sur quoi, ce qui est explicite et clair. الخلاصة أن من أكره على الكفر, le résumé de tout ça, c'est que celui qui est contraint à la mécréance, لم يكن كافرا, il n'est pas mécréant, madame qalbuhu mutma'inan bil iman wa lam yasrah bil kufri sadra, tant que son cœur est apaisé par la foi et qu'il n'accepte pas le kufr dans son cœur. Très important ça. Et donc on revient à la fameuse règle dont on parlait tout le temps, que c'est laysa kull man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alayh. C'est que c'est pas que toute personne qui tombe dans le kufr que le kufr est appliqué à la personne. C'est important. Sur l'Uthaymeen dans ce même charh ici, il dit une règle, retenez-la. Al hukmu al mu'allaq 'ala al awsaf لا ينطبق على الأشخاص حتى تجتمع شروط انطباقه وتنتفي موانعه. Le jugement qui pend sur les descriptifs. Il n'est pas appliqué sur les individus spécifiques. Tant que les conditions ne sont pas réunies et que les barrières ne sont pas levées. Retenez ce genre de règle-là. Si vous voulez la mémoriser, elle est dans Qol Mufid. Et si je me souviens bien, c'est le premier volume. Wallahu a'lam. Sinon, revenez au fameux livre, le Qawaid Mousla, de Cheikh Al-Uthaymeen, les règles exemplaires, où à la fin, il y a un chapitre entier là-dessus. Et le Mashiach nous explique que Cheikh Al-Uthaymeen a fait lui-même le sharh de son propre livre, et Cheikh Obeid a été publié, et d'autres Mashiach, etc. Donc, et rapporte une autre. Donc, on a parlé de ça. Maintenant, il y a une autre parole, c'est celle de Cheikh Saleh Ali Cheikh. Il faut que je retrouve vite la page. Je me souviens bien. Voilà. Voilà, là, il rapporte le hadith de Tariq ibn Shihab. Par rapport au fait qu'on a dit qu'il est musulman, on a dit ça, oui ou non? Quelqu'un peut se dire qu'on a dit qu'il était parmi, Cheikh Fouzan, il dit qu'il était parmi Banu Israël, d'accord? Et puis on a dit quoi, qu'il était musulman. Alors, qui répond à ça? Comment tu mets les deux? Ben oui, ben justement, comment tu peux dire qu'il est musulman là? Hassan, c'est ça, c'est le sens général. C'est ce qu'il dit ici, Cheikh Saleh Ali Cheikh. Il dit, que je retrouve vite cette parole, il dit, à la fin, je crois, il disait. C'est-à-dire qu'il a dit ici le cheikh que c'est le sens, dans le sens de l'islam dans le sens général, c'est-à-dire que la religion avec laquelle tous les prophètes sont venus, c'est ça que ça veut dire ici, d'accord? Ça c'est un point. Il nous reste un autre point à traiter, c'est encore la mis'ala de par rapport à l'ikra, parce que Cheikh Saleh Ali Cheikh, il a d'autres réponses. Et il dit, قرب يعني اذبح تقربا والملاحظ هنا في هذا الحديث انه لم يدل على انهم اكرهوا على هذا الفعل. الشيخ الصالح الشيخ يغابط une autre manière de répondre. Il dit que le hadith il est pas clair sur le fait qu'ils l'ont contraint. Il dit لانه قال مر رجل على قوم لهم صنم لا يجوزه لا يجاوزه احد حتى يقرب له شيئا. On a dit que tu ne passes pas tant que tu dois faire un sacrifice, offrir un sacrifice pour cette idole. فَظَاهِرُ قَوْلِهِ لَا يَجُوزُهُ لَا يَجَوِزُهُ أَحَدٌ يعني أنهم لا يأذن لأحد بمجاوزته عن ذلك الطريق حتى يقرب. Ce qui est apparent de la formulation, c'est qu'il ne laisse passer personne tant qu'il n'a pas offert. Mais chers, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit وَهَذَا لَيْسَ إِكْرَاهًا. Et ça, ce n'est pas une contrainte. إِذْ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولْ. Car il est possible qu'il dise alors je reviens d'où je suis venu. Ça c'est une manière de répondre à ça aussi. Voilà, يجوز ذلك الموضع ويتخلص من أداهم. Et donc ils passent pas par cet endroit et ils se débarrassent de leur mal de toute façon. فهذا يدل على الإكراه بالفعل لم يحصل. Donc celle-ci indique, c'est une manière de répondre que la contrainte par l'action n'a pas eu lieu. Ou à la contrainte d'une action. من أولئك فلا يدخل في قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. Donc il dit que le verset que Cheikh Al-Azim l'a cité pour prouver que c'est une base chez l'Ahl Sunna dans la contrainte, et bien qu'il dit donc il rentre pas dans ce verset là parce qu'il n'a pas été contraint aslan. Ça c'est une réponse. Et il dit لأنه ليس في الحديث دلالة كما هو ظاهر على حصول الإكراه وإنما قال مر رجلان etc. فما صفة عدم السمح بعدم المجاوزة. هل هي أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب أو لا يجوز حتى يقرب أو يرجع. Regardez comment le Mashiach comprend, il dit quelle est cette description qu'il n'est pas autorisé de passer. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas passer sans qu'il ne soit tué ou sans qu'il ne offre un sacrifice, ou qu'il ne passe pas tant qu'il offre un sacrifice ou bien qu'il retourne? Comment est-ce que tu comprends ça? Istadhara ba'd al-ulama, certains ulama ils ont vu que la vie le plus fort c'était من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى أنه لا يجوز حتى يقرب أو يقتل وأن هذا علم بالسياق فصار ذلك نوع إكراه. Donc certains avis ils ont dit que ça veut dire que tu ne passes pas tant que tu n'offres pas un sacrifice ou tu es tué. Donc ça rentre dans quoi? Dans الإكراه, la contrainte. فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكره. Et donc comme ils ont dit ça, il y a un istishkal, c'est-à-dire une question qui se pose, c'est que comment il va entrer en nar alors que c'est une mis'ala sous laquelle qu'il a faite selon la contrainte. Voilà la discussion ici. Al-jawab an hada al-ishkal, une réponse par rapport à cette problématique, c'est an hada al-hadith an hada al-qawl wa ma fihi min adam i'darihi al-mukrah wa law bil-qatl kana fi shar'i man qablana. Ça revient à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. C'est qu'une des manières de répondre à ça, c'est que même s'il était mukrah, c'est qu'en fait, il faisait partie de quelqu'un, de communauté avant la nôtre. Or, al-ikrah fait partie des spécificités, walhamdulillah, de notre communauté. Amma raf'u al-ikrah, ou jawazu qawli kalimat al-kufr, ou tandis que le fait de lever la contrainte par... le fait de lever la contrainte au jawaz ou qawli kalimat al-kufr, ou le fait de la permission de dire la parole de kufr dans cette situation là au amal al-kufr, ou l'acte de mécréance. Donc apparemment Cheikh voit le même avec Cheikh al-Athimin, il n'y a pas de différence entre les deux. Maintenant il qalb, attention, tout en ayant le cœur apaisé par la foi, fa hada khassun bi hadhihi al-umma. D'ailleurs le hadith il dit que le prophète Hassim l'a dit que parmi les spécificités de ma umma, c'est que le khata ou le nisyan, ils ont été pardonnés le khata ou le nisyan ou le mustukrihu alayh. L'erreur, qu'est-ce qu'il fait par une manière pas intentionnelle, le nisyan l'oubli, et ce qu'ils ont commis sous la contrainte. Ça, il n'a pas cité le hadith, c'est moi qui vous le rapporte ici. Ça, c'est une des réponses parmi les réponses des gens de science. وعلى القول الأول الذي قدمناه هو أن السياق ليس فيه ما يعين أنه مهدده بالقتل فيكون الحديث مجملا. Donc par rapport au premier avis qu'on a dit que de toute façon Aslan il n'est pas spécifique qu'ils l'ont menacé de mort, et bien à ce moment là le hadith il est général. Donc s'il est général, comment est-ce qu'on peut le comprendre d'une manière spécifique, c'est-à-dire qu'il est mukrah? Voilà, ça c'est les discussions entre les mashir. Il faut que vous ayez un peu une compréhension par rapport à ça. Il reste une mis'ala, c'est par rapport au hadith lui-même. Est-ce qu'il est authentique ou pas? Et il reste une autre mis'ala, si vous êtes intéressé. Le cours est un peu plus long que d'habitude, mais on a encore un petit peu le temps. J'essaie en général de ne pas dépasser une heure. Eh bien, c'est la mis'ala de... هل الأولى للإنسان إذا أكره على الكفر أن يصبر ولو قتل أو يوافق ظاهرا ويتأول؟ Quel est le mieux pour l'individu s'il est contraint à la mécréance? Est-ce que c'est qu'il patiente et qu'il soit tué? Ou, vous voyez l'importance de connaître ce genre de mesaïl, hein? C'est une question de vie ou de mort. Et c'est une question surtout de foi ou de mécréance. Donc, il dit, ou est-ce que tu approuves de manière extérieure et à l'intérieur tu fais ce qu'on appelle un ta'wil, c'est-à-dire que toi tu as une autre intention. D'accord. هذه المسألة فيها تفصيل شيخ الدين. أولا أن يوافق ظاهرا وباطنا. Première situation qui peut arriver, c'est que tu approuves intérieurement et extérieurement. Qu'est-ce qui se passe? Interdit, c'est une apostasie. Deuxièmement, أن يوافق ظاهرا لا باطنا. Que tu approuves de manière extérieure, tu leur montres l'action, mais qu'à l'intérieur tu es mu'min, tu montres mu'min bil iman. ولكن يقصد التخلص من الإكراه. Donc tu as l'intention de te débarrasser de la contrainte. فهذا جائز. C'est permis. ثالثا لا يوافق ظاهرا ولا باطنا ويقتل. Donc que tu ne approuves pas de manière extérieure ni intérieure, et donc que tu sois tué. Wahuwa ja'iz, et c'est aussi permis. Wahuwa min as-sabr, et ça fait la partie de la patience. On n'a pas beaucoup le temps, donc on ne va pas tout lire. Maintenant, il dit, c'est quoi le mieux? C'est que tu patientes et que tu sois tué, ou que tu approuves juste de manière extérieure. Il dit, fi tafsil, si le fait que tu approuves sous la contrainte, il ne résulte pas de cela un mal dans la religion pour la masse des gens, eh bien le premier, à ce moment-là, ce qui est meilleur, c'est que tu le fasses de manière extérieure et pas intérieure. C'est-à-dire que tu ne sois pas tué. Et il dit le shir, surtout pour les gens qui, s'ils restent, il y a un bien pour les autres. Comme, il dit le shir, celui qui a de l'argent, qui est riche. Pourquoi? Car il peut aider avec l'argent. Ou celui qui a la science bénéfique, car il peut aider avec sa science. Etc. Et il dit, même s'il n'y a pas de maslaha, il dit le shir, le fait de rester vivant et de rester musulman, il y a une ziyada dans l'amal pour beaucoup d'ailleurs, il va faire plus d'actions, donc c'est mieux pour lui. Et donc il lui a dit, c'est une rukhsa, ce qu'on appelle rukhsa, c'est particulier, c'est une permission dans le cadre qu'on a dit, les conditions qu'on a dit, de faire cet acte de mécréance ou de cette parole de mécréance extérieure, de manière extérieure, apparente, sous la contrainte, et pas intérieurement évidemment. Et donc, c'est mieux pour lui, dit le shir, d'avoir le ta'oul à l'intérieur, d'avoir une autre intention. Tandis que si le fait qu'il approuve et qu'il ne patiente pas, il y a un mal pour à cause de cela pour l'islam, il dit alors isbar, il patiente, et il se peut que ce soit obligatoire pour lui de patienter, car cela fait partie de la patience dans le combat, dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas dans le cadre de préserver sa propre personne, en fait. C'est ça qui veut dire le shir. Et c'est pour ça que quand certains compagnons ils sont plaints au prophète salam, de ce que les associateurs leur faisaient, il leur a dit, il leur a cité l'histoire de l'homme qui était torturé avec le peigne de fer. Vous voyez, comprenez un peu maintenant. Et aussi l'histoire de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il n'a pas pris l'excuse de l'ikra. Pourquoi? Parce que si l'imam Ahmed il l'avait fait, il y aurait une grande fsada, parce que tous les Aoum y regardaient et tous les musulmans regardaient l'imam Ahmed. Voilà, ça c'est un fiqh important à voir. D'accord? Il reste la mas'ala sur l'authenticité du hadith. Peut-être juste où je vous résume ce qu'il a dit sur l'Uthaymin, où on les lit vite. Et Cheikh il dit, dans le hadith il y a deux défauts dans cette chaîne de transmission. Tariq ibn Shihab, et tout le monde est d'accord qu'il n'a pas entendu le prophète Sarzim. Cheikh Al-Fawzan il l'a dit. واختلفوا في صحبته شيخ فضل ديك سان صحابي مي عندي فيرجونس سور لو فات اسكو سان صحابي او نو والاكثرون على انه صحابي لو بلوس دو ماشيخ يديز دو سافون يديز كو سي ان صحابي لكن اذا قلنا انه صحابي سي اون ديك سي ان صحابي اي بيان سن اوكان مال كي ني با انتوندي دو بروفيت عليه الصلاه والسلام كار لو مرسل دان صحابي ات اون بروف وان كان غير صحابي سي سي با كومبانيون الوغ مرسل دو غير صحابي ça fait partie des catégories du hadith da'if. Deuxième défaut dans la chaîne de transmission, c'est le hadith mu'an'anun min qibali l'a'mash. L'a'an'ana, c'est un peu, on ne va pas rentrer dans le mustalah maintenant, mais l'a'mash, il est connu qui fait partie de mudallisin, ce qu'on appelle le tadlis. Le mashir dit, le tadlis, wa akhu al-kadib. Donc, c'est une illa, c'est un défaut qui rend la chaîne de transmission faible. Donc, Cheikh, il dit, fal hadith, في نفسي منه شيء من أجل هاتين العلتين. Donc il y a quelque chose qu'on garde en nous, notre point intérieur par rapport à ce hadith quant à ces deux défauts là. ثم الحديث علة ثالثة. Et il dit Cheikh, il y a une troisième défaut à cette chaîne de transmission, c'est qu'il y a l'imam Ahmed rawahu an Tariq ibn Salman mawqufan. Cheikh il dit que il était rapporté, on a dit Tariq Salman falisi. Lui il dit Tariq ibn Tariq an Salman. Donc c'est à dire qu'il était rapporté de Tariq ibn Shihab an Salman al-Farisi. موقوفاً من قوله, c'est-à-dire que c'est la parole de Salman et pas la parole du prophète عليه الصلاة والسلام. Donc, et aussi Abu Nu'aym, on avait dit dans l'Hilya, et Ibn Abi Shaybah dans le Musannaf. فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. Donc il est possible que Salman al-Farisi ait pris ce hadith de Banu Israël. Donc ces trois choses-là jouent sur le fait que le hadith est authentique ou pas. Donc c'est important de comprendre ça. Mais on a quand même fait le charah du hadith, on a quand même expliqué, on a lu la parole de Cheikh Al-Fawzan, on a parlé de Cheikh Al-Uthaymeen, etc. Avec ça, on a défini cette. On a répondu à toutes nos questions, je pense. Avec cela, on a fini pour aujourd'hui. Wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa subhanakum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.